C'est le moment du journal parlé en langue française et à la présentation, c'est Godefroy Ndayisaba. Bonjour Godefroy. Bonjour Edwige, et bonjour auditeurs, auditrices de la radio scolaire Ndelagakula. Bienvenue dans cette édition de la matinée dont voici les principaux titres. L'honorable Edouard Nduimana vient d'être élu ombudsman burundais par la chambre basse du Parlement burundais en remplacement de Mohamed Rukara qui vient de terminer son mandat. Puisque ce lundi a eu lieu la correction du test intellectuel donnant accès à l'enseignement à l'Institut supérieur des cadres militaires et à l'ISCAM, vous l'entendrez dans ce journal. Environ 4 tonnes de vivres en provenance de la province Rutana vont être acheminées ce mardi dans la province de Kirundo pour venir en aide à la population menacée par la famine. Et voilà pour le sommaire. La mise en onde est assurée par l'ingénieur Pierre Clavin Zindoukié. Et vous nous captez en ligne sur notre site web www.radiodragacula.com. Rebonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, la chambre basse du Parlement a élu ce lundi Edouard Nduimana pour occuper le poste de l'ombudsman burundais en remplacement de Mohamed Rukara qui vient de terminer son mandat. L'Assemblée nationale a également élu l'honorable Joky Chantal Nkurunziza pour occuper le poste du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale pour remplacer Edouard Nduimana qui occupait ce poste. C'est Bonaventure Bankika a suivi le déroulement de cette activité, son reportage. Sur 17 candidats qui avaient postulé à ce poste, 9 ont été disqualifiés car ne remplissant pas les conditions requises pour être élus. Pour le reste, les 3 premières places ont été occupées respectivement par Edouard Nduimana, élu ombudsman burundais ce lundi par la chambre basse du Parlement en remplacement de Mohamed Rukara qui vient de terminer son mandat. Il a été élu avec 106 voix, soit 91,3% du vote. Il y a eu 9 bulletins contre et une abstention. Nangibingura Amis a occupé la deuxième place avec 37%, tandis que Prosper Bazombanza est venu en troisième position avec 32%. L'Assemblée nationale a par la suite élu honorable Joky Chantal Nkurunziza, élu dans la circonscription de Ruyigi, pour occuper le poste du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale avec 98,2% pour remplacer Edouard Nduimana qui occupait ce poste. Sachez que la prestation du serment du nouveau ombudsman burundais est prévue ce mardi. Merci, bonne aventure pour ces détails. Vous saurez qu'il a également été approuvé par la Chambre haute du Parlement où 38 sénateurs qui étaient présents ont approuvé à l'unanimité le nouvel ombudsman du Burundi, Edouard Nduimana. Puis, page sécurité, un troupeau de vaches a été volé la nuit de ce dimanche dans la réserve naturelle de Rukoko, en commune Guianga de la province de Bubanza. Comme l'a indiqué le gouverneur de la province Bubanza, Tarsis Nyongabo, 49 de ces vaches ont été récupérées par les militaires en patrouille. Tarsis Nyongabo a demandé aux éleveurs de veiller beaucoup plus à la sécurité de leurs biens et d'avertir à temps les forces de l'ordre en cas de situation suspecte. C'était pendant la nuit, un groupe de voleurs est venu et a emporté plus de 60 vaches et les ont conduits vers le Congo. Mais ils ont été arrêtés par les militaires qui étaient en patrouille à la rivière Rusizi. Mais ils avaient déjà fait traverser 10 vaches. Alors, sur l'affaire de 61 vaches, autour de 61 vaches qui avaient été volées, 49 vaches sont retournées au bercail. Alors, ce que nous demandons à la population, spécialement aux éleveurs, c'est d'abord de veiller sur les biens et d'avertir à temps quand ils voient qu'il y a une situation suspecte. Et de plus, nous demandons à ces éleveurs qu'ils puissent respecter les décisions prises lors des réunions de sécurité de déplacer les vaches au-delà de la route nationale numéro 5 et de ne pas les garder dans la réserve naturelle de la Rukoko parce que c'est un endroit où les voleurs aiment se camper et aiment traverser pour venir et kidnapper même les personnes ni têter la sécurité que nous avons renforcée. Nous demandons à ces éleveurs une franche et une étroite collaboration pour veiller sur les biens de notre province. Puis, parlant toujours de ces militaires, ce lundi qu'a eu lieu la correction du test intellectuel donnant accès à l'enseignement de l'Institut supérieur de cadre militaire, l'ISCAM. Le porte-parole du ministère de la Défense nationale des anciens combattants, colonel Gaspard Baratouza, indique que cette correction doit se terminer le même jour et que la proclamation des résultats est prévue ce samedi prochain après avoir passé le test physique. Sur 1379 candidats se sont fait inscrire. Le jour du test, 1339 candidats se sont présentés et il y a eu une quarantaine d'absences pour des raisons diversifiées mais qui n'ont pas été mentionnées. Et aujourd'hui, une équipe composée de professeurs d'Université du Burundi, des enseignants de l'ISCAM, mais aussi des officiers habilités, elles sont en train de corriger en toute transparence. Et après la correction, ils vont rassembler tout cela, les ouvrir au grand jour et en présence de beaucoup de monde pour donner les états sûrs. Et samedi, le 26 novembre 2016, les candidats viendront sur les mêmes lieux pour constater les résultats. Et ce jour même, il y aura passation du test de physique qui est évalué à 20%. Les mathématiques, c'est pour 40%. Français, c'est 20%. Anglais, 20%. Et le test physique, 20%. Il faut qu'ils se préparent en conséquence puisque ce n'est pas encore terminé. Il y a une spécificité pour Bujumbura Mairie. Là où ils ont passé l'examen, c'était au lycée d'Irak Tanganyika. Mais le test et les copies seront à l'ancien bataillon Para. Donc c'est là où ils vont passer le test physique. Et les copies seront même là-bas. À 7h de minutes dans nos studios, nous poursuivons avec un autre journal. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture organise depuis ce lundi une semaine d'exposition des œuvres d'art au Palais des Arts de Bujumbura. Selon le ministre de la Jeunesse, Jean-Bosco Hitimana, cette exposition s'inscrit dans le cadre de la promotion des objets d'art, mais aussi à développer le tourisme culturel. Suivez plutôt Jean-Bosco Hitimana, il est le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Cette semaine de la promotion des objets d'art s'inscrit dans le cadre de cette politique de valorisation de la culture burundaise. Il s'agit en quelque sorte d'une routine, mais que nous aimerons améliorer dans le futur. Nous avons des talents, nous avons de bons artistes au pays, alors nous comptons au niveau du ministère les soutenir moralement, financièrement et tracer un bon cadre de développement de la culture burundaise. De telles expositions vont se faire dans toutes les provinces et les communes du pays pour plus de visibilité par rapport à cet aspect culture. L'objectif ultime, c'est la grande promotion de la culture burundaise pour qu'on développe ce qu'on peut appeler un tourisme culturel, pour qu'on puisse récolter des dividendes par rapport à cet aspect-là. Puis les marchés en cours de construction à mairie de Bujumbura pourraient être fonctionnels dès le début du mois de janvier 2017. Ce sont du moins les précisions du maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, lors de la visite des ambassadeurs de l'Union européenne au marché de Ruziba. Freddy Mbonima indique que ces marchés permettront à la population de s'épanouir économiquement et la mairie d'encaisser des recettes. Nous sommes satisfaits de l'état d'avancement et nous espérons que l'année prochaine, au début, le marché sera effectif. Les objectifs sont simples. Il faut d'abord qu'on sache que c'est la population bénéficiaire qui, avec ce marché, ils vont s'épanouir économiquement. Ça va donner beaucoup d'emplois. Ça va aussi permettre un marché avec une hygiène exemplaire, une propreté, une salubrité. La mairie aussi pourra encaisser des recettes qui permettront de développer cette entité par rapport aux problèmes qui ils ont des centres de santé et autres. On construit un marché modèle et dans la construction, on a prévu des systèmes de protection, des systèmes d'évacuation, des systèmes de contre-incendie qui permettront d'éteindre le marché en moins de 10 minutes. On a vu que c'est prévu des installations, des poches d'eau à forte pression et on va également former les commerçants pour savoir au moment d'un problème qui arrive de pouvoir intervenir eux-mêmes, donc ils seront formés à ça. Page société à présent, environ 4 tonnes de vivres variés ont été déjà collectées en province de Rutana en vue de venir en aide à la population de Kirundo menacée par la famine. C'est du moins ce qu'a fait savoir le gouverneur de cette province, Bede Nyandwi, qui précise que l'acheminement aura lieu ce mardi. Entre autres vivres collectées, il y a les grains de maïs, le haricot, le riz, du manioc sec, de l'huile et de palme, et en fait, il y a du sel. Nous avons déjà collecté une certaine quantité, mais je pense que nous ne serons pas quand même en dessous de 4 tonnes. Tout ce que nous avons déjà collecté, nous allons les acheminer vers Kirundo, mardi le 22 novembre 2016. La collecte ne s'arrête pas là. Elle va se poursuivre parce qu'il y a, par exemple, certains membres des églises protestantes qui disent qu'ils n'avaient pas eu le message. Alors, ils continuent à collecter en passant par les décès. Alors, il y a des enfants qui disent qu'ils vont continuer à plaider auprès de leurs parents pour qu'on puisse apporter à manger pour leurs frères de Kirundo. Les quantités collectées ça n'a pas été de même importance pour toutes les communes. Il y a des communes, par exemple, qui sont elles aussi menacées par la faim. C'est notamment la commune de Guiharo, la commune de Mingakayoga. Puis 83 enfants d'au moins de 7 ans, c'est l'effectif recensé dans les différentes prisons du pays. Selon l'association Concern for Children in Prison, l'enquête du mois de mai de cette année a révélé que ces enfants étaient au nombre de 53. Le représentant légal de cette association, Savet Sabiyumva, demande à l'État de tout faire pour que ces enfants jouissent de leurs conditions de vie. Il fait référence à l'alimentation et à l'éducation. Le nombre des enfants s'élève à 83. Nous recommandons à l'État de faciliter la procédure d'inscription des enfants en prison ou en centre de rééducation, de créer une structure permettant aux enfants vivant en prison de fréquenter l'école ou de bénéficier d'une école scolaire, ainsi que d'adapter l'alimentation donnée aux enfants en prison à leur âge, afin qu'ils grandissent bien. Ainsi, nous recommandons aux organisations d'aide humanitaire d'apporter une aide alimentaire et vestimentaire aux enfants en prison. Aussi, nous recommandons aux organisateurs humanitaires de soutenir la formation professionnelle des mineurs vivant dans les centres de rééducation. Notre rapport est que nous allons mettre en application un programme d'initiative et de formation pour soutenir ces enfants, particulièrement pour leur apporter des soutiens alimentaires et organiser des formations à la communication non violente pour les femmes qui ont des enfants ou qui vivent avec des enfants en prison, ainsi que des formations à la gestion et exercice de petits projets génératrices de revenus. Dernier élément de ce journal, les réseaux sociaux sont d'une importance capitale pour partager les informations, mais ont des conséquences néfastes s'ils sont mal utilisés. C'est du moins les propos de certains interlocuteurs qui proposent qu'il y ait un conseil national pour réglementer l'utilisation de ces réseaux sociaux. Le point avec notre confrère Juvenal Bareng. Les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook et autres sont d'une importance capitale, mais ont des conséquences néfastes s'ils sont mal utilisés. On citerait la diminution de la capacité intellectuelle, comme le précise le directeur de l'école fondamentale Kamenge 1, Céleste Nirameba. En milieu scolaire, l'utilisation de ces applications ont des conséquences négatives sur le processus d'apprentissage. Par exemple, quand un enseignant commence à ouvrir ses connexions, il est difficile de bien préparer la leçon. Il se présente en classe, ça la maîtrise collecte de la matière et les enfants auront des connaissances qui ne remplissent pas la totalité de ce qu'ils devraient recevoir. Père Deogracias Banzirmuhito, représentant légal de l'association Agakura, dit que les élèves n'ont plus de temps de se concentrer pour intérioriser ce qu'ils apprennent en classe. Cette histoire de réseaux sociaux, ça réduit notre capacité d'effort pour réfléchir, pour intérioriser un message, pour l'interpréter. Pour l'éducation, ça risque de réduire nos capacités intellectuelles. Et on dirait qu'on voudrait faire de notre intelligence une poubelle où on met n'importe quoi. Selon Père de Gracias, l'utilisation des réseaux sociaux au service diminue aussi la production, mais a aussi un impact négatif sur la culture burundaise. À un certain moment, une famille vit dans la même maison, mais ne vit pas ensemble. On est à table, on est, je ne sais pas, en train de vaquer à telle activité familiale, mais on est divisé entre ceux avec qui vous devez faire face à face pour dialoguer, pour s'interpeller, mais chacun a son univers. Donc, à certains moments, nous allons nous retrouver solitaires dans la masse. Au service, vous le savez mieux que moi. Tous nos interlocuteurs proposent qu'il y ait un conseil national pour réglementer l'utilisation de ces réseaux sociaux. Merci Barenga pour ces détails et c'est par ici que nous mettons point final à ce journal, chers auditeurs. Et merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'ingénieur Pierre Clavin qui est pour sa parfaite collaboration technique. Quant à moi, Godfrey Ndayisaba qui vous l'ai présenté, je vous souhaite de passer une bonne journée de travail. Au revoir.